rock and roll, rock and roll. Le jeudi au sacrilège, c'est les jeudis chauds. Go ahead. You ask me why I'm grieving, I'll tell you why I'm grieving for the gal that done me wrong. Venez découvrir les excellentes New Cackle Sisters, un insolite duo vocal accompagné d'un guitariste qui redonne vie de façon magistrale aux arrangements country agricoles des The Zurich Sisters. Ne ratez pas ce phénomène unique dès 18h ce jeudi au Sacrilège 447 rue Saint-Jean. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bonsoir et bienvenue à Web Musique, c'est Simon Roy en votre compagnie. La semaine passée, il n'y avait pas d'émission, c'était pour une très bonne raison, c'était le Radioton. On peut être fier de nos auditeurs, on a réussi à ramasser un gros 50 000 $ il y a 40 000 qui étaient prévus, donc on a dépassé l'objectif d'un beau 10 000 $ On vous remercie énormément, vous allez voir, on va vous faire la belle radio avec ça. Pour débuter l'émission Web Musique, je vous propose des artistes qui sont sur une étiquette que je vous fais souvent jouer à l'émission. L'étiquette s'appelle Dusted Wax Kingdom. C'est une étiquette qui nous vient de la Bulgarie. Je vais débuter avec un artiste justement qui est bulgare, ça s'appelle Bradata. Je vous fais passer la pièce Deadly Techniques. Puis ensuite de ça, c'est un duo. La moitié s'appelle Merlune qui vient de Genève en Suisse. Et l'autre aussi de Suisse, Daikon, mais qui reste maintenant à Montréal. Je vous fais passer la pièce Apocalypse. Cet album-là est vraiment excellent. Il y a 21 pièces, donc je vous invite à le télécharger. C'est un excellent album. Donc, pour tout de suite, on entend Bradata. You feel no repentance and you're challenging us. We'll be right back. ready. Now who will support you? The Shaolin Temple will. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. De retour à Web Musique, donc on vient tout juste d'entendre Merlune et Daikon. La pièce s'appelle Apocalypse. Deux artistes de Genève et un autre de Montréal qui est suisse lui aussi. Avant ça, on avait débuté avec Bradata, la pièce Deadly Techniques. Bradata qui nous vient de la Bulgarie, la ville de Varna. Donc, c'était deux artistes sur l'excellente étiquette Dusted Wax Kingdom qui vient de la Bulgarie. Je vous en fais souvent passer à l'émission, puis c'est pas prêt d'arrêter. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, ben, rien de plus facile, vous vous rendez au www.webmusique.org. Donc, le web s'écrit O-U-E-B-E. Vous avez toutes les ressources pour télécharger. Puis, il y a aussi beaucoup d'informations à propos des artistes. Je vous mets les liens directs, donc vous pouvez voir un peu plus de quoi ont l'air ces artistes-là. On va poursuivre avec un peu de drum and bass. C'est sur l'étiquette Plain Audio. Plain Audio qui vient de l'Allemagne, la ville de Hambourg. Donc, ils ont un peu de drum and bass, musique électronique, musique expérimentale. Ils ont vraiment plein de trucs vraiment intéressants. Nous autres, on veut entendre l'artiste Sob qui vient de Innsbruck en Autriche. Je vous fais entendre sa pièce de Monk Tune. Ensuite de ça, on va entendre une pièce quand même assez pétée. Vous allez voir. L'artiste s'appelle Microgram, la pièce s'appelle Bolz Platz. Donc, l'artiste nous vient de Hambourg, mais il est d'origine mexicaine, qui a grandi dans la ville de Ticul au Mexique. Donc, pour tout de suite, on entend Sob. Thank you. C'était une pièce quand même assez tordue par Microgramme, un artiste originaire du Mexique, de la ville de Tikal, plus précisément. Donc, la pièce s'appelle Bolz Plaz. Avant ça, ben, c'était l'artiste d'Innsbruck en Autriche. L'artiste s'appelle Sob. C'était sa pièce de Monk Tune. Donc, deux artistes qui se retrouvent sur l'excellente étiquette Plain Audio, une étiquette qui nous vient de Hambourg en Allemagne. Donc, on va faire une courte pause, puis on va revenir à Web Music par la suite. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là, il est revenu, là, mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là, il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval, disponible gratuitement tous les mardis. Vous écoutez CKRL 89, la radio culturelle à Québec. De retour à Web Music, c'est toujours Simon Roy qui est à votre compagnie. On va poursuivre l'émission avec un artiste qui est sur l'excellente étiquette XS Records, donc une étiquette du Portugal. L'artiste est polonais, s'appelle Ola One. Je vous fais entendre la pièce I. Donc c'est une pièce quand même assez longue. Je vais vous faire passer ça tout de suite. Thank you. donc une pièce quand même assez planante. C'est par l'artiste polonais Ola One, la pièce I, donc sur l'étiquette XS Records, une étiquette qui nous vient du Portugal. Bon, ben c'est assez pour la musique électronique pour ce soir. On va poursuivre avec quelque chose d'un peu plus rock, musique un peu plus alternative. Donc, sur l'excellente étiquette Aerotone, je vous fais entendre l'artiste allemand Anois. La pièce s'appelle Beds and Dishes. Puis ensuite de ça, sur l'étiquette Lost Children, je vous fais entendre Double Handsome Dragons, un groupe qui nous vient de l'Angleterre. La pièce s'appelle B. Puis ensuite de ça, on va entendre sur l'étiquette toujours de l'Angleterre, Deed Pop, je vous fais entendre l'artiste Lord Numb. Je vous fais entendre la pièce Boo. Pour tout de suite, Hanoï avec la pièce Beds and Dishes. We'll be right back. C'était Lord Numb avec la pièce Boo. Ça se retrouve sur l'album Numb de Payne. Donc, c'est un duo qui nous vient de l'Angleterre. C'était sur l'étiquette Dead Pop. Avant ça, on entendait musique assez planante. Il s'agissait de Double Handsome Dragons, la pièce B. Puis, on avait débuté ce bloc-là avec Anois, qui nous vient d'Allemagne, la pièce Beds and Dishes, sur l'étiquette Aerotone. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous avez entendues à l'émission. Vous pouvez aussi tout simplement télécharger l'émission en balado-diffusion, en podcast, si vous voulez. Donc, pour retrouver tout ça, vous vous rendez au www.webmusique.org. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Puis aussi, ben, si vous avez Twitter, c'est aussi possible de suivre l'émission. Donc, au courant de la semaine, je poste toutes sortes de trucs qui ont rapport à la musique libre. Des fois, c'est des vidéos. Donc, on retrouve tout ça sur donc, Twitter. Je vais terminer l'émission avec une dernière pièce. Le groupe s'appelle Xu Xu Fang, un groupe qui nous vient de Los Angeles. Donc, la pièce s'appelle Fascination Street. Donc, c'est un cover de The Cure. Ça se retrouve sur l'excellente compilation Perfect as Cats, A Tribute to The Cure. Donc, une compilation qui est sur l'étiquette Manimal Vinyl Records, une étiquette qui nous vient de Los Angeles. Je vous recommande énormément ce disque-là. Ça vient sur deux disques. Puis, c'est ça, c'est des bons covers des pièces de The Cure, mais faites d'une façon vraiment originale. Donc, je vous laisse ça là-dessus. Je vous rappelle que l'artiste s'appelle Xu Xu Fang. Moi, ben, je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de CKRL. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. D'ici là, ben, passez une belle soirée. Ah, aussi, ça va être Jason Vlasak tout de suite après l'émission avec son excellente émission Jazzimus Actuel. Donc, bonne nuit. We'll be right back.